En Corée, à l'occasion de la nouvelle année 106 du Chuseok 2017, les militaires et civils coréens ont visité les statues en bronze et les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigés dans divers endroits. Devant leur statue en bronze érigée sur la colline Mansu, il y avait la corbeille de fleurs envoyée par le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Y ont été déposées les corbeilles et bouquets de fleurs des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères, des établissements centraux, des unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, et des unités d'activité, des entreprises, des usines et des écoles de tous les échelons de la ville de Pyongyang, ainsi que de la succursale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Les corbeilles et bouquets de fleurs au nom des unités de l'armée populaire, des unités d'activité, des entreprises ont été déposés devant les statues en bronze et les portraits en sourire du président et du général érigés dans divers endroits de la ville de Pyongyang et de chaque province. Les visiteurs ont rendu hommage aux grands hommes.